effacer ses défauts. Il me glisse dans l'oreille un quatrain de Chaïm. Quand la vie m'ensommeille dans ses bras doux de femme. Une image et des fleurs.